بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضل profitable dans le توحيد la jurisprudence et la عقيدة par notre humble شيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سنواصل دراسة ذاك الكتاب الذي هو المبادئ المفيدة، واليوم بإذن الله سنأخذ مسائل جديدة وهي: ما هو الواجب على العباد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ وما معنى فإذا قيل لك ما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Aujourd'hui, trois nouveaux points, inshallah, qui vont être soulevés dans l'étude de ce livre. Explication, toujours résumée, bien entendu. Qui seront: quelle est la première obligation? Quel est le sens de la ilaha illallah? Quel est le sens de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et bien entendu, tout ça toujours dans la partie du tawhid, toujours dans la partie du tawhid, car ce livre, comme nous l'avons dit en deux parties, tawhid et aqidah, qui vont ensemble, l'autre partie c'est fiqh. Naam. فقال شيخنا يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى في كتابه المبادئ المفيدة. Il dit: فإذا قيل لك ما أول واجب على العبد فقل تعلم توحيد الله عز وجل، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى عبادة الله. Muttafaqun alayhi wa dalov al-Bukhari. Donc dans le sens que s'il te dit quelle est la première obligation sur le serviteur, alors dit qu'il apprenne le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela, c'est le hadith rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhuma, par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dépêcha envoyer Mu'adh Ibn Jabal au Yémen, il lui dit: tu vas certes te rendre auprès d'un peuple parmi les gens du livre, alors que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah, dans une version à l'adoration d'Allah. Et le hadith muttafaqun alayhi, juste c'est Bukhari qui l'a rapporté dans cette version là, dans cet énoncé là, mais sinon les muttafaqun alayhi. Donc de ce hadith, il nous apparaît clairement que la première chose qui convient au serviteur et qui est la clé de sa réussite dans ce bas monde et pour au-delà, c'est le tawhid. Qu'il apprenne, qu'il applique la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, comme nous l'avons dit au début du livre. Il dit: qu'il alak limaza khalakak Allah, s'il t'est dit pourquoi est-ce qu'Allah t'a créé, alors répond: pour l'adorer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et là, l'adoration, nous avons dit que c'est le sens du tawhid, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, de ne tourner les adorations que vers lui. Naam. Wa huna jaa kama fi al-Qur'an qulu ta'ala qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man taba'an. Dit: voici donc mon sentier et j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Cela implique que la da'wah vers Allah, le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala comme dans ce hadith, cela doit être fait avec science et clairvoyance et hikmah, et non pas comme certains, comme les tabir par exemple, ou d'autres personnes qui se lancent n'ayant rien appris, n'ayant aucun acquis, et qui se mettent à parler sur Allah de ce qu'ils ne savent pas, et qui détournent les gens de la première obligation qui est celle du tawhid. Comme cela viendra, le tawhid, vous le savez, Tawhid awalan, هو إفراد الله بالعبادة. Le tawhid, premièrement, c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Et ce tawhid lui-même est divisé en trois catégories. Cela viendra également dans le livre. Tawhid al-Rububiyya, tawhid al-Uhuyya, wa tawhid al-Asma wa Sifat. Et le tawhid sur lequel la différence et la divergence et les points de conflit ont eu lieu entre les messagers et ce qu'ils appelaient, c'est tawhid al-Uluhiyya. Celui que beaucoup ignorent. Tawhid al-Uluhiyya, c'est celui de la divinité, qui est le fait de ne tourner les adorations que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car, comme nous l'avons dit, beaucoup reconnaissent l'existence du Créateur. Mais là où beaucoup de gens ont pataugé et se sont effondrés, c'est principalement Tawhid al-Uluhiyya, l'adoration qu'elle ne soit tournée que pour Allah, car les gens n'ont pas compris le sens de l'adoration. Et n'ont pas compris le sens de Tawhid. Et chez beaucoup de musulmans aujourd'hui, cela est connu, cela n'est pas acquis. Sans pour autant dire qu'ils sont des koufars ou ce genre de choses, mais ignorants de cette religion à laquelle ils s'apparentent. Non. Quant au Asma wa Sifat également, beaucoup de khilafs sont venus sur cette branche du Tawhid, a amené aux divergences. Le plus important, c'était Tawhid al-Uluhiyya. Comme a dit Ta'ala, « وَلَا كَدَبَ عَثْنَا فِي كُلِّ يُمَّتِينَ رَسُولَنْ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَشْتَنَبُوا التَّعُوتِ » Et nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et éloignez-vous du Ta'out ». Chaque messager est venu pour cela, pour appeler les gens à adorer Allah seul. Et ce Tawhid, c'est la différence qu'il y aura entre le mu'min et le kafir, entre le croyant et le mécréant. Car le Tawhid, comme nous l'avons dit, c'est la clé qui permet de rentrer au Jannah, au paradis. Car celui qui n'unifie pas Allah dans l'adoration, qui n'est pas adepte du Tawhid, sera forcément adepte du shirk. Le kafir tombera de façon inévitable dans le shirk. D'ailleurs, parmi les savants, une divergence est trouvée entre le fait est-ce que le kufr et le shirk sont la même chose. Nous savons que notre cheikh Yahya, Hafizallahu ta'ala, ou même cheikh Al-Albani, Rahimallahu ta'ala et d'autres, voient que le shirk et le kufr sont égaux. C'est la même chose. Bidalil qu'Allah ta'ala, أكفرت بالذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Lorsqu'il dit l'histoire de ces deux hommes, l'un d'entre eux dit: as-tu mécru envers celui qui t'a créé à partir de terre puis d'une goutte puis a fait de toi un homme? Cependant il est Allah mon Seigneur et je n'associerai à mon Seigneur personne. Donc regardez, au début il dit as-tu mécru, et à la fin je n'associerai à mon Seigneur personne. Donc de là, ce verset est une preuve pour ceux qui disent que le kouf et le shirk sont de même sens. Et d'autres voient non, que le shirk, ou plutôt le kouf, est plus général que le shirk. Comme le cite l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans le charh de hadith de Jabir, radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna bayna al-rajul wa bayna al-shirki wa al-kouf tarka al-salah » entre l'homme et le shirk, et la mécréance et le kufr, c'est le fait de délaisser la prière, la salat. Donc il dit, l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, « Inna shirk wa al-kufr qad yutlaqani bima'na wahid, wa wa al-kufr billah ta'ala, wa nufarik baynahuma fayakhussu al-shirk bil-ibadah, bi'ibadat al-awthan wa ghayriha min al-makhlouqat, ma' ihtilafihim billah ta'ala, ka kuffar Quraysh, fayakun al-kufr a'am min al-shirk. » Wallahu ta'ala a'lam. Donc il dit qu'à la base, les deux mots, kufr et shirk, tous les deux sont pas pour un même sens. Et il se peut qu'on différencie entre les deux. Et là, à ce moment-là, le shirk sera lui spécifié et plus employé pour le fait de tourner les adorations pour autre que Allah, pour les idoles ou les créatures. Ce qui amène à dire que le kufr est un sens plus général. Voilà ce que dit l'imam Nawawi, et beaucoup de savants pensent comme lui également. Cheikh Al-Fawzan, Kazalik, je crois de même avis, d'ailleurs il y a une fatwa sur le site où il le cite. Non. Quoi qu'il en soit, le kafir, le mécréant, sera amené, celui qui n'adore pas Allah et ne l'unifie pas, tombera forcément dans le shirk, dans l'association, et tournera des actes d'adoration pour Allah. Car l'homme a été créé à la fitra, il est fait pour adorer. L'homme a en lui le fait d'adorer. Donc s'il n'adore pas Allah, il va adorer autre que Allah. D'accord ? Et ceci, plus souvent, pourrait avoir lieu avec les ibada al-amal al-qalbiya, les œuvres du cœur, comme la khawf, la peur. Il aura peur de ce qu'il ne mérite pas d'avoir peur. La peur, shirkiya. Il aura de l'espoir, raja. Cet espoir, il le tournera vers qui ne le mérite pas, parmi les créatures. Cet espoir qui doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, tawakkul. Il place à sa confiance, comme il ne le mérite pas autre que Allah. Ou la vocation, dua. Il invoquera autre que Allah, et ainsi de suite. Des sentiments qui, à la base, ont été prédisposés à accepter l'adoration et tourner vers Allah, ils vont les tourner vers autre que lui. Et vous le verrez, les koufars vont te dire, moi je crois en Dieu, je l'adore, et pourtant, dans sa langue, dans son comportement, tu verras que il a peur d'autre que son Seigneur. Il a confiance en autre que son Seigneur. Il invoque autre que son Seigneur. Il fait plein d'adoration pour autre que son Seigneur, sans même qu'il s'en rende compte. Non. Donc de là, ce hadith nous amène également, comme le verset cité au début, qu'on l'a dit, Sabili, il a akhiri. Que celui qui fait la da'wah, premièrement, sait et connaît la situation du mad'ou, de celui qui l'appelle. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a bien précisé à Mu'adh, radhiyallahu anhu, vers qui il va. Pour dire que tu vas chez des gens qui ont eu le livre avant toi, qui ont des ambiguïtés et qui connaissent des choses. Donc prépare-toi. Et des arguments et sois convaincant. Ce n'est pas le da'i. Il se dirige vers quelqu'un qu'il ne connaît pas et se met à lui parler comme ça. On lui coulit, maqam, maqal. Hein? Pour chaque situation, il y a une parole. Et les gens, bien que le message est le même, la façon de faire à emprunter sera différente. Des gens auront plus de chibouettes. Certains seront plus ignorants. Certains auront peut-être plus besoin de patience et de douceur. D'autres de dureté, et ainsi de suite. Donc toujours savoir à qui on a affaire lorsqu'on parle. Lorsqu'on fait da'wah. Et également, dans ce hadith, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas envoyé n'importe qui faire da'wah. Il a envoyé Mu'adh. Hein? Mu'adh. Quand il a nas bil halal ou haram. Que Mu'adh était l'homme le plus savant pour le halal et le haram, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc également, un prédicateur n'est pas un ignorant, c'est quelqu'un qui connaît. Ce n'est pas toute personne qui vient, qui s'improvise prédicateur et qui se met à parler. Cela n'est pas conforme à la sunna. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé quelqu'un qui vient de se convertir hier, ou qui n'a pas connu vraiment les base de l'islam pour l'envoyer parler à des gens. Le prédicateur est savant de ce à quoi il appelle. Il a appris la religion. Et chacun en mesure de son niveau. Tout le monde n'est pas pareil, bien entendu. Donc de là également, cela est une forme de réfutation à ceux qui s'improvisent prédicateurs, qui n'ont rien appris et qui se permettent de s'avancer au devant de la scène pour appeler les gens à l'islam. Alors qu'ils sont les premiers mérités à ce qu'on les appelle eux. Donc ce wajib qui est le tawhid, comme nous l'avons dit, le tawhid est le pilier central de la religion et la principale cause, ou la vraie cause, qui fait rentrer au paradis. Et son contraire, c'est le shirk. Cela viendra, il y a aussi la mas'ala, concernant le shirk, dans le livre qui viendra par la suite, bi'iznillah ta'ala. فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Que Allah ne pardonne pas qu'on le fasse quoi que ce soit, mais pardonne en dehors de cela qu'il veut. Que le shirk est la chose pour celui qui meurt dessus, le rendra parmi les gens du feu, éternellement. Si il s'agit de shirk afouen, de shirk akbar. Et le sujet du shirk viendra, inshallah, kazalik, en son temps. Naam. Également ce hadith, hein, le fait d'appeler les gens du livre au tawhid, c'est aussi une réfutation pour ceux qui prétendent que le mot tawhid n'existait pas. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la première chose à laquelle tu les appelles, c'est qu'ils unifient Allah. Là, il dit bien, yuwahidu. Et tawhid, c'est le masdar du verbe wahada yuwahidu. À la wazn, taf'il. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan. Fa'wahada yuwahidu, tawhidan. Donc, les gens qui prétendent que ce mot n'a pas d'origine sont des ignorants, ou bien, peut-être pire que cela encore. Wallahu alam. Deuxième question. Fa'idhi qila lak, ma ma'na la ilaha illallah. فقول معناه لا معبود بحق إلا الله والدليل قول الله تعالى وعلم أنه لا إله إلا الله وقوله ذلك بأن الله هو الحق. Donc qui est, s'il te dit quel est le sens de la ilaha illallah, alors dit, son sens c'est pas d'adorer en réalité ou en vérité si ce n'est Allah. Et la preuve en cela est la parole d'Allah dans le sens où il dit, et sache qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et sa parole, dans le sens où il dit, cela qu'a Allah est la vérité. Cela qu'a Allah est la vérité. D'abord, la ilaha illallah, en apparence, si on le prend mot par mot, cela mènera à dire quoi? Pas de divinité si ce n'est Allah. Et bien entendu, ce sens est faux, car Allah, dans son Coran, a bien stipulé et dit qu'il y a d'autres divinités. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est que Allah est le seul qui mérite l'adoration. Toutes ces divinités sont fausses. Toutes ces divinités sont fausses. De là, Cheikh Othaymine appelle à la réelle, au réel sens de la ilaha illallah, qui pour les non-arabophones ou les gens de la nouvelle génération, les contemporains, apprennent à connaître le sens. Car beaucoup disent pas de créateur si ce n'est Allah, ou pas de divinité présente si ce n'est Allah. Et d'autres interprétations complètement fausses. Donc la réalité c'est la ilaha illallah. Là c'est la nafil jins en arabe qui veut dire c'est un mot qui vient pour apporter une négation totale. C'est-à-dire aucun, dans le sens aucun. Et ilah, c'est un mot à la wazn, fi'al, qui a un sens de ism maf'oul, comme ma'boud, qui vient du mot alaha. Alaha, c'est un verbe qui veut dire abada, adorer. Fa ilah, ma'na, ma'louh, qui veut dire ma'boud, adorer. Et là, justement, il y a un takdir, un sous-entendu qui n'est pas précisé dans la phrase en arabe, qui est bihaq, en réalité, en vérité, en toute légitimité. Hein, c'est-à-dire, pas d'adorer qui mérite, on va dire, l'adoration, ou en vrai, ou en réalité, ou ainsi de suite, ce n'est Allah. Car certains disent, la ilaha mawjoud illallah. Certains disent qu'il n'y a pas de divinité présente, ce n'est Allah. Ce n'est pas vrai. Comme nous l'avons dit, Allah dans le Coran a cité que d'autres divinités existaient. Cependant, elles sont toutes fausses et elles sont vaines. Et l'adoration n'amène qu'à la nuisance de celui qui les adore. Cela est du shirk. Naam. Également, la ilaha illallah, cette parole est bâtie sur deux piliers. Et voya kalimat al-tawhid ala raknain. Al-awwal al-nafi. La première, c'est la négation, qui est dans la partie la ilaha. C'est-à-dire, pas de divinité méritant l'adoration. Ça, c'est la partie de négation. Que cela amène à ce qu'il n'y a rien d'autre à adorer, si ce n'est Allah. Et la deuxième partie, deuxième rokn, c'est al-isbat, l'affirmation, c'est-à-dire illallah, sauf Allah. Le sens que l'adoration ne revient que à Allah. Cette parole-là, elle a été tirée de la part d'Allah dans le sens où il dit, dans la parole d'Ibrahim, lorsqu'il dit à son peuple, Innani bara'un mimma ta'budun, illa alladhi fatarani, fainahu sayahdin, faj'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqabih, la'allahum yarji'un. Donc il dit, certes, je suis innocent de ce que vous adorez, hormis celui qui m'a créé, car il me guidera. Et fait de cette parole, une parole qui demeurera dans sa descendance afin qu'il revienne. Ou il se peut qu'il revienne. Donc regardez bien dans le verset, Innani bara'un mimma ta'budun. Là il dit quoi? Là, c'est la nafi, la négation. Il renie tout ce que les autres adorent. Ensuite, l'autre partie, illa alladhi fatarani fainahu sayahdin. Sauf celui qui m'a créé, qu'elle me guidera. Là, c'est l'affirmation. Donc, ces deux piliers, leur origine, sont tirés de ce verset. Car quelqu'un demain, il dit, la ilaha, il s'arrête. Pas d'autre divinité d'adoration. Il s'arrête. Est-ce que cela inclut qu'il va adorer Allah? Non. Ou le contraire, quelqu'un qui adore Allah, illallah, est-ce que cela inclut qu'il ne va pas adorer autre que lui avec lui? Non. Donc l'une implique l'autre. On ne peut séparer l'une de l'autre. Obligé de mettre une négation et une affirmation. Comme en toute chose, al-wala ou al-bara. D'accord? Al-wala ou al-bara. Affirmer une chose et renier son contraire. Tout ce qui s'y oppose. Cela fait partie purement de la croyance des musulmans. Car celui par exemple qui aime l'islam, n'aimera pas le kufr. Ce n'est pas possible. Celui qui aime l'obéissance n'aimera pas la désobéissance. Celui qui aime la sunna n'aimera pas la bid'a. Et ainsi de suite. Si tu affirmes une chose, cela implique que tu en renies une autre. Donc cette parole, la ilaha illallah, qilena, كلمه الاخلاص كلمه التوحيد et celui qui la prononce entrera au jannah comme cela est venu dans beaucoup de hadith hein comme par exemple celui d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqi illa 'abdun biha bihima ghayr shakin fihima illa dakhala al jannah qu'il dit j'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que je suis le messager d'Allah. Il n'est pas un serviteur qui entrera Allah avec cette parole-là sans en douter, soit qu'il rentre au paradis. Donc, « Qul la ilaha illallah », le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportait de lui qu'il allait dans les marchés, dans les lieux de commerce des mouchriquins, et leur disait « Qul la ilaha illallah tuflihun » Dites « La ilaha illallah » et vous réussirez. Et c'est également la parole à laquelle il a appelé son oncle, Abu Talib, qui était en train de mourir. Il lui dit « Ya'am, qul la ilaha illallah kalimat ahtajju bika indallah » Dis la ilaha illallah, ce serait une parole par laquelle je pourrais argumenter pour toi auprès d'Allah. C'est-à-dire, elle sera un argument pour toi pour que tu sois parmi les gens du paradis. Et malgré cela, son oncle refusa de la prononcer. C'est-à-dire, maintenant l'histoire, est-ce que le fait de dire la ilaha illallah seulement avec sa langue, de le prononcer, cela suffit? Non. Car le fait de dire la ilaha illallah, cela inclut des choses, il y a des conditions. Comme certains salafs l'ont dit, d'accord, il n'y a pas une clé sans qu'elle n'ait des dents. Et les dents de la ilaha illallah qui est la clé du paradis, ce sont ses chouroutes. Qui sont 7 et Satan en rejeté 8. Taïeb. Ces shurut, awalen shart, mot le shart, à la base, en arabe, ça veut dire, littéralement parlant, ça veut dire l'alama. Il y a ni un signe, comme ashrat et sa'a, c'est-à-dire les signes de l'air. Et istilah, dans le stilah, ashart, ma ma'na'u, wallazi, yerzemu min adamihi, al-adam. C'est-à-dire quoi? Que c'est une chose, jamais elle n'est, on va dire, inexistante. Alors ce qui est bâti dessus sera inexistant ici également. Sera vain. Par contre, sa présence n'inclut pas forcément la validité de l'acte. Par exemple, la salate. Parmi les choses de la salate, l'eau d'eau. Que tu fasses l'eau d'eau. C'est un short de la salate. Celui qui ne fait pas l'eau d'eau, sa salate, elle est bâtie là. Donc, sur Adam, Yelzem, El Adam. Le fait qu'il n'y ait pas l'odo, cela implique qu'il n'y ait pas de salat. Baratil. Mais est-ce que celui qui fait l'odo, cela implique forcément que sa salat va être valide? Non. Il se peut qu'il fasse l'odo et que par d'autres côtés, sa salat soit invalide. D'accord? Donc, une condition, c'est une chose, lorsqu'elle n'est pas présente, l'acte est invalide. Mais si elle est présente, cela n'implique pas également que l'acte sera valide, car il se peut qu'il y ait plusieurs conditions à remplir. La personne, par exemple, sur 5 conditions, elle n'en remplit que 4, et bien pour l'absence d'une seule, son action est baratée. Son action, elle est baratée. Il faut réunir toutes les conditions pour que l'action soit acceptée. Bismillah. Donc les choses de la ilaha illallah, quelles sont-elles? Awalan, el-ilm. La science, savoir, connaître le sens de la ilaha illallah. Dont le contraire, c'est l'ignorance. Deuxième, al-yaqin, la certitude. Dont le contraire est échec, le fait de douter. Car tout cela mène à la mécréance. Troisièmement, al-qabul, le fait d'accepter cette parole. Dont le contraire est le fait de la renier. Al-rad. Rabi'an, al-inqiyad, al-munafi lil-tark. Quatrième, c'est le fait de s'y soumettre. D'accord? De s'y complaire. Qui est le contraire de le fait de la délaisser. Cinquièmement, al-ikhlas, la sincérité. Donc le contraire est le shirk. D'accord? Le shirk. Et également, parmi les conditions, il y a al-sidq, la véracité. Donc le contraire, c'est le mensonge. Hein, le mensonge. Al-kazib. Également, parmi les conditions, al-mahabba, l'amour, que tu aimes cette parole-là. Donc le contraire est le bourd, ou al-karaha, le fait que tu ne l'aimes pas, tu la détestes, et qu'elle te dégoûte. Et pour finir, la huitième qui a été ajoutée par certains savants, qui est Al-Kufran bima ubida min dunillah, le fait de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il faut savoir que ces shurut, ces conditions, certaines en incluent d'autres. Certaines sont inséparables de d'autres. Comme par exemple Al-Sidq ou Al-Ikhlas. Ces deux-là, taïeb mutalazimatan. Par exemple Al-Sidq, celui qui est véridique est obligé d'être sincère. Aucun doute. Car celui qui n'est pas véridique est un menteur. Et celui qui n'est pas sincère est un munafiq, est un hypocrite. Donc certaines conditions en impliquent d'autres. Et toutes celles-ci également impliquent la dernière, qui est Al-Kufran bima abida min dunillah. C'est pour ça que certains savants ne l'ont pas considéré comme étant une condition, car elle coule de source avec toutes les autres. Naam. Ensuite, donc la ilaha illallah, c'est la parole de Tawhid, d'Ikhlas, à prononcer. D'ailleurs, il a été rapporté de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, où il dit, par rapport à cette parole-là, il dit, أما إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند السلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء انتهى. Ça, ce texte, vous pouvez le trouver dans Sourate Al-Majid, où il dit quoi? Qu'il y a que celui qui ne prononce pas cette kalima qui est la ilaha illallah, alors qu'il peut le faire, alors lui c'est un kafir avec unanimité des musulmans, qui c'est un kafir en intérieur comme à l'extérieur. Et cela est la parole qui était connue chez les salafs, hein, de cette umma, ainsi que chez les imams. Donc celui qui se dit « je suis muslim » et qui ne veut pas dire « la ilaha illallah », il n'est pas muslim. On a déjà vu des gens comme ça qui disent « moi j'entre dans l'islam ». Donc le dit « dis la ilaha illallah », fais la shahada, plutôt les deux shahada. Il dit « pas besoin de le dire, c'est dans mon cœur ». Il dit « dis-le », il dit « j'ai pas besoin de le dire ». Donc comment tu crois une chose et tu ne la testes pas? Car celui qui a pour croyance une chose et qui agrée une chose, il va forcément le prononcer et le montrer. Il va le dire par sa langue et agir par ses actes. Et le voir dans son cœur. Et derrière, c'est ça l'iman. La foi, c'est El Kol Bilisen, ou l'artikot bilkalb, ou l'amal bijawarih. C'est le fait de le prononcer, de l'avoir dans son cœur et d'agir par les actes. Donc celui qui vient qui dit je ne le prononce pas, mais c'est dans mon cœur, lui, son islam, il est batil. C'est un menteur. Il n'a rien de l'islam. Et ça avec Ijmar, comme cela l'a rapporté Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc prononcer la shahada à la base est une condition pour entrer en islam. D'ailleurs, comment ne pas la prononcer alors que même dans la salat, dans ta shahoud, tu l'as fait. Tu la prononces la shahada. Donc celui qui n'a jamais prononcé, c'est-à-dire qu'il ne fait pas salat. Et celui qui ne fait pas salat, c'est un kafir. À la cour de sahih. Non. Ensuite, troisième point. يعني المسألة السابعة أو الثامنة فإذا قيل لك ما معنى محمد رسول الله فقول معناها أنا رسول الله إلى الناس كافة من الجن والإنس والدليل قول الله تعالى وما أرسلناك إلى كافة للناس ويجب علينا جميعا طاعته وتصديقه واجتناب ما نهى عنه والدليل قول الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. Donc la traduction sera à peu près qu'ici il t'est dit quel est le sens de Mohammed et le message d'Allah. Alors dit qu'il est le message d'Allah envoyé à tous les hommes. Encore on dit les hommes, cela inclut également les femmes et également les djinns. Car le mot homme également s'explique sur les djinns. Donc, il a été envoyé au genre humain et aux djinns. Tout le monde, d'après lui. Contrairement aux autres NBA, comme nous l'avons dit, qui n'ont été envoyés qu'à leur peuple, alors que lui est envoyé à tous les hommes. Sans exception. Nous sommes tous la communauté de Mohammed, dans le sens Ummat al-Da'wa. Ummat al-Sijaba, c'est juste les musulmans. Tous les hommes actuellement là font partie de la communauté de Mohammed du fait qu'ils sont appelés à le suivre. Cependant, ceux qui sont vraiment les musulmans sont ceux qui ont répondu à l'appel. Naam. Donc la parole là, c'est la parole d'Allah où il dit « Et nous t'avons envoyé à tous les hommes. » Dans le sens. Et également, il dit qu'il nous est obligatoire de lui obéir et de le croire dans ce qu'il dit et d'éviter tout ce qu'il a interdit. Et la parole là est la parole d'Allah. Lorsqu'il dit « Dis obéissez, dans le sens, il dit, dis obéissez à Allah et obéissez au messager. Donc là, c'est un ordre d'Allah qui nous ordonne d'obéir à son messager. Également, la parole d'Allah, dans le sens où il dit, tel est ce que Allah a promis et les envoyés ont été véridiques. C'est-à-dire, ils ont annoncé la venue de Mohammed. Et l'autre hadith qui est venu, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je vous ai interdit, alors éloignez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné, alors faites-le comme vous pouvez. Naam. Et d'autres ahadiths et versets très nombreux sont venus sur le fait d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kafikoli ta'ala, wa ma atakumu rasul fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le messager vous a apporté, alors prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, alors délaissez, arrêtez sur le champ. Wa qulu ta'ala, wa ma yantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Et qui ne prononce pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Et dit, si vous dites que vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Et certes, vous aviez un bon exemple dans le message d'Allah pour ceux qui espèrent rencontrer Allah et au jour dernier. Wa qala ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusikum harajan mimma qadayt yusallimu taslima. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne te feront pas juger de ceux en quoi ils sont en litige et qu'ils ne trouvent pas en eux de aucune gêne de ce que tu auras jugé et qu'ils s'y soumettent totalement. Wa qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Et dit, si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et au messager, si vous êtes croyant. Du moins, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Regardez, parmi les conditions de livre de la foi, c'est le fait de revenir au kitab wa sunnah. Car les sahaba revenaient au messager d'Allah de son vivant. Mais aujourd'hui, nous, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, on revient quoi à sa sunnah authentique. Et également, la parole d'Allah où il dit, man yuti' al-rasul faqad ata' Allah. Et celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Wa qala ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratillah. Que certes, tu guides un chemin droit, le chemin d'Allah. Wa qala ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre de n'être touchés par une fitna ou d'être touchés par un châtiment douloureux. Wa qala ta'ala, وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Et rappelez-vous ce qui est lu dans vos maisons comme verset d'Allah et comme hikma. La hikma, là, le sens voulu, c'est la sunna. Et les preuves sont innombrables dans le fait d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il est venu avec le message. Il est le sceau de la prophétie, la meilleure des créatures. Et tous ces versets et d'autres hadiths qui sont venus, que celui qui s'oppose à son ordre risque un châtiment douloureux. Et certains ont interprété le shirk dans le verset comme étant la fitna comme étant le shirk. Et d'autres ont dit la bid'a. Chacun mesure de quoi? De sa transgression. Tout comme cet homme qui mangeait de la main gauche, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, manger de la main droite. Il a dit, moi, sortir, je ne peux pas. Il lui a dit, l'astatorta, que tu ne puisses plus jamais. Et de là, il n'a pu lever sa main droite jusqu'à la fin de ses jours. Du simple fait que par orgueil, il n'a pas voulu lui obéir. Donc, regardez les conséquences que cela amène à s'opposer à son ordre. Suivre la sunna, wa in tuti'u tahtadu. Et que si vous lui obéissez, vous serez guidé. Ce n'est parmi les causes de bonne guidée, le fait de le suivre et de le croire et de lui obéir. Car le fait d'obéir au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revient à obéir à Allah comme les versets l'ont précisé. Comme les versets nous l'ont précisé. Là, il y a un point que j'aimerais évoquer pris de Kitab Tawhid par Fath al-Majid, qui est lié au sujet se rapportant au Tawhid al-Mutaba'a, l'unification dans le suivi. Il dit dans une parole qui a été apportée de Nukayyim, dans Madaraj al-Salikin, et également par Ibn al-Izz dans Shahr al-Tahawiyya, qu'est-ce qu'il dit ? إذا قيل أقسم توحيد الله فإنه لا يذكر فيها توحيد المتابعة فإن توحيد المتابعة ليس من توحيد الله وإنما يلزم من توحيد الألوهية أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع ولكن إذا قسم التوحيد من أصله فهو قسمان توحيد الله وتوحيد الرسول فتوحيد الله وتوحيده في الربوبية والألوهية وأسماء وصفات وتوحيد النبي بالاتباع فقد قسم ابن القيم في مدارج السالكين التوحيد إلى قسمين توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول نعم donc il dit quoi? Il dit pourquoi est-ce que le tawhid al-mutaba'a n'est pas cité dans les accès du Tawhid. Pourquoi est-ce que le Tawhid Mutaba'a ne rentre pas dans le Tawhid d'Allah? Le Tawhid d'Allah, il est de trois catégories seulement. Al-Uluhiyya, Al-Rububiyya, Al-Asma' wa Sifat. Et que Allah, quant au fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, le fait de le suivre, c'est du fait qu'on adore Allah que parce qu'il a légiféré. Donc le fait de suivre le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans quoi? Dans Tawhid al-Uluhiyya, dans celui de l'adoration. Cependant, si on revient à l'origine du Tawhid en lui-même, alors il est de deux sortes. Celui d'Allah, Tawhidullah, et celui du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quoi le Tawhid d'Allah? C'est le fait que tu l'adores, seul, sans rien lui associer. Et le Tawhid du messager, c'est que tu ne suis que lui. Et cela pourquoi? Pour appliquer le Tawhid qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. D'accord? Donc Tawhid al-Mutaba'a, c'est un chrisme qui serait à part et qui lui serait le fait de ne suivre que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le fait d'adorer Allah. Ce qui amène à interdire le taqlid, de parler sur Allah sans science, de dire cela est halal, cela est haram, ainsi de suite, sans pour cela avoir de preuves à l'appui. Et cette parole, cette division de Tawhid en deux catégories, comme nous l'avons dit, est citée par Ibn Qayyim dans Madarij al-Salikin. Et également, elle a été confirmée par cela par l'imam al-Tahawi dans son Sharh al-Tahawiyya. Ou plutôt l'imam Ibn al-Izz dans son Sharh al-Tahawiyya. Non. Donc de là, aujourd'hui, nous avons pris trois questions. Qui étaient: quelle est la première obligation pour le serviteur? La deuxième qui était: quel est le sens de la ilaha illallah? Et la troisième qui était: quel est le sens de Muhammad Rasulullah? Le sens de Muhammad et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et comme vous voyez, toutes ces questions-là se suivent les unes à la suite des autres. Alhamdulillah, de la première jusqu'à celle-ci. Fabi hadal qadr naktafi, wa naqul subhanaka allahumma wa bihamdik, la ilaha illanta, astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحية دمام افاق.com.